Chapitre 3e. Je lus dans les journaux du soir le récit de ce double vol et je me mis à y réfléchir profondément. Aidé par cela, ajouta le bonhomme avec un sourire vers le bout de ficelle sur lequel il élaborait encore des nœuds compliqués. Oui, aidé par ce petit collaborateur, j'écrivis un plan sur la façon de découvrir l'habile voleur qui, en une seule nuit, avait su acquérir une vraie fortune. Naturellement, ma méthode n'est pas celle d'un détective londonien. Celui qui s'occupait du cas en question commença par interroger soigneusement le malheureux bijoutier sur ses serviteurs. « J'ai trois domestiques, » expliqua M. Shipman. « Deux d'entre elles sont à mon service depuis très longtemps, mais la bonne pour les gros ouvrages n'est ici que depuis environ 6 mois. Un de mes amis me l'avait vivement recommandé et ses certificats sont excellents. Elle et la femme de chambre couchent dans la même pièce. La cuisinière, qui me sert depuis mon enfance, a une chambre pour elle seule à côté. » Toutes trois dorment donc à l'étage au-dessus du mien. Hier soir, j'enfermais les bijoux dans mon coffre-fort qui se trouve dans ma chambre à coucher. Je ne puis comprendre comment les bandits... D'ailleurs, veuillez monter voir. On a dû prendre les clés à mon chevet, ouvrir le coffre et replacer les clés. Tout cela pendant que je dormais. Mon sommeil, notez-le bien, est extrêmement léger. Un rien me réveille. J'aurais certainement découvert le vol avant d'aller à mon magasin, car je comptais y emporter les diamants. Le détective et l'inspecteur examinèrent le coffre-fort, qui n'avait été nullement forcé, mais bien ouvert avec sa propre clé. Le détective parlait de chloroforme, mais M. Shipman déclara qu'en s'éveillant le matin, à environ 7h30, il n'avait senti aucune odeur suspecte dans la chambre, et qu'en outre, il n'avait pas ressenti les nausées qui suivent toujours l'absorption de cet anesthésique. Un examen minutieux de la maison montra que le voleur était entré par la porte vitrée du jardin, mais qu'il avait, en cette fois, soigneusement coupé une vitre, puis tiré les verrous et tourné le pêne. « Vos domestiques savent-elles que vous aviez ces diamants chez vous ?» demanda le détective. « Certainement non. Pourtant, la femme de chambre, qui servait à table, a peut-être entendu M. Knopf et moi discuter le prix. Vous ne vous opposez pas à ce que nous fouillons dans les malles et effets de vos domestiques. En aucune façon, et elles ne s'y opposeront pas, elles sont parfaitement honnêtes. » Ces recherches ne donnèrent aucun résultat. Le détective et l'inspecteur, je leur rends cette justice, firent leur travail d'investigation minutieusement et intelligemment. Leurs déductions purent établir que le voleur avait commencé son petit travail au numéro 26 de Phillimore Terrace et ensuite s'était rendu jusqu'à la maison numéro 22, probablement en passant par-dessus les murs des jardins. Rien de plus simple que cela. Mais le mystère n'en restait pas moins épais. Comment le voleur s'était-il arrangé pour savoir que des diamants se trouvaient dans les deux maisons ? Évidemment, ce voleur était plus au courant des affaires de M. Knopf que de celles de M. Shipman, puisqu'il avait su employer le nom de son frère pour l'éloigner. Mais c'était là un indice bien vague. Et l'on ne trouva rien dans l'une ou l'autre maison qui constituât une trace plus sérieuse. Il était à ce moment environ 10h du matin. Les détectives quittèrent M. Shipman et s'en retournèrent au numéro 22 pour voir si M. Knopf n'était pas de retour. La vieille femme de ménage ouvrit la porte et leur dit qu'en rentrant de faire ses provisions, elle avait trouvé son maître de retour. Il était en train de déjeuner dans la salle à manger. M. Ferdinand Knopf était un homme d'âge moyen, au teint jaune, aux cheveux et à la barbe noire et bouclée et au type israélite. Il parla au détective avec un accent yiddish marqué et très courtoisement. J'étais préparé à la mauvaise nouvelle que Robertson m'apprit à mon arrivée. Car la lettre qu'on m'envoya la nuit dernière était apocryphe. Il n'y a aucun docteur J. Collins à Brighton, et mon frère ne s'est jamais mieux porté de sa vie. Vous trouverez bientôt, j'en suis sûr, le gredin qui m'a envoyé cette lettre. Ce matin, furieux, je pris le premier train, et sitôt arrivé à Londres, je courus chez moi le plus vite possible. Ce pauvre Robertson a attrapé un froid terrible. Ma perte est très sérieuse. Si je n'avais pas fait cette affaire avec M. Shipman la nuit dernière, je serais certainement ruiné en ce moment-ci. Les pierres que j'avais hier en ma possession étaient, d'abord, des diamants brésiliens magnifiques. Ceux-là, je les ai vendus pour la plupart à M. Shipman, après dîner, heureusement pour moi. Ensuite, de beaux diamants du Cap, tous volés. Puis de très jolies pierres fausses parisiennes, des imitations, mais d'un travail et d'un fini merveilleux, qui m'avaient été confiés pour les vendre par une grande maison française. Disparus aussi. Ma perte, je vous le dis, messieurs, sera de 20 000 livres au bas mot. Il essayait de supporter virilement et ainsi qu'il convient à un homme d'affaires son triste sort. Il refusa de porter le blâme, même le plus léger, sur Robertson, un vieux serviteur admirablement honnête et dévoué, qui dans son zèle avait peut-être attrapé la mort. L'idée de diriger le moindre soupçon sur ce pauvre homme lui paraissait absurde. Quant à la vieille femme de ménage, M. Knopf ne savait rien d'elle, sinon qu'elle lui avait été recommandée par un commerçant du voisinage et qu'il était très satisfait de ses services. Le rôdeur, M. Knopf, ne le connaissait pas, naturellement, et ne pouvait imaginer comment lui ou toute autre personne avait pu savoir qu'il y avait des diamants à son domicile cette nuit-là. Le pauvre Robertson dormait dans sa chambre d'un sommeil agité et fiévreux, et M. Knopf insista pour qu'on le laissât complètement en repos, ce en quoi les détectives consentirent d'autant plus volontiers qu'ils avaient tiré de lui toutes les informations qu'ils pouvaient donner. Sur leurs instances, M. Ferdinand Knopf se rendit au poste, examina le vagabond suspect et déclara ne l'avoir jamais vu. M. Shipman, en allant à son magasin, s'était lui aussi rendu au poste et avait fait la même déclaration. Amené devant le magistrat, le vagabond ne fournit sur lui-même que très peu de renseignements. Il donna un nom et une adresse qui furent vite reconnus faux. Après cela, il refusa absolument de parler. Il semblait se moquer d'être en prison. Les plus adroits interrogatoires n'en tiraient que des ricanements. Bientôt on comprit qu'au moins pour le présent, on ne pouvait rien espérer de lui. M. Francis Howard, le détective qui avait la charge de l'affaire, ne savait à quel saint se vouer. Vous vous rappelez combien ce vol, dans sa simplicité, semblait mystérieux. Les écuries qui faisaient face à l'arrière des maisons de Fillmore Terrace et constituaient avec cette arrière l'impasse d'Adam et Ève appartenaient toutes à des voisins. Les cochers, leurs familles et les palefreniers qui y dormaient furent questionnés. Tous, unanimement, déclarèrent n'avoir rien vu, rien entendu, jusqu'au moment où les clameurs de Robertson les avaient éveillés. Quant à la fausse lettre venue de Brighton, elle était absolument banale. M. Howard parvint à retrouver l'endroit où le papier avait été acheté. C'était une boutique dans la rue Nelson, à Brighton même. Mais le commerce est là fort actif. Des rames et des rames de papier semblables à celui-là avaient été vendus. Allez donc chercher. L'écriture était probablement déguisée. Il aurait fallu des circonstances nouvelles et exceptionnelles pour qu'elle mît sur la trace du voleur. Le rôdeur, lorsqu'on le pria de signer son nom, montra une écriture malhabile et tout à fait différente. Le mystère ne semblait pas devoir s'éclaircir quand une découverte eut lieu qui donna au bon M. Howard une idée pas trop sotte.